Péri en mer, écrit par Gustave Toudouze, lu par Armène pour audiocité.net. Première partie, chapitre 1er. Le lourd balancier battait, monotone, régulier, à demi étouffé, sourd et mystérieux comme un cœur vivant au creux d'une poitrine humaine. Son épais disque de cuivre allait impassible, toujours égal, au bout de la mince tige de fer, son dévié de son inflexible chemin, image de l'implacabilité des choses, des événements. Le bois de la longue et vieille gaine sculptée, enfermant le coucou, craqua. Un volant ronfla plusieurs secondes, avec un étrange bruit enroué, un lent grincement de mécanique antique. Un poids frôla les parois intérieures, dégringolant de quelques millimètres et, remuant toute une vieille ferraille énigmatique, le marteau frappa longuement sur le timbre très sonore. Trois coups qui vibrèrent, traînant sans fin, comme alourdis par la poussière des siècles, par la gravité de leur mission de mesureur d'existence, par l'importance, pour certains d'ici-bas, de l'heure tintant en cet instant. La sonnerie avait cessé. Il se fit un nouveau bruit au fond de la chambre noyée de l'encre épaisse de la nuit. Une voix jeta tout à coup. 3 heures, houpla ! 2 pieds tombèrent d'aplomb sur le plancher, accompagnant un bruyant bâillement. La bougie allumée éclaira un visage tanné, cuit et recuit au soleil, desséché par le vent, durci par une longue exposition à toutes les intempéries. Un visage rasé, presque momifié, taillé en proue de navire, l'ossature luisante d'un nez courbé en bec, des lèvres disparues, mangées par l'absence des dents, ce qui les faisait rentrer dans la bouche. Un menton carré, des oreilles légèrement rabattues en cornet, comme pour mieux recevoir tous les bruits, même les plus subtils. De petits yeux bleu clair sous le poil gris des sourcils, très vifs encore, malgré la fatigue des paupières plissées par l'âge, à tout petits plis serrés, et la teinte un peu jaunissante des conjonctives zébrées de veinules rouges. La chemise de grosse toile collait à des épaules maigres mais très larges, trahissant une charpente osseuse particulièrement développée, tandis que les mains aux noueuses phalanges, sillonnées de grosses veines en relief, achevaient de boucler une courroie de cuir autour de la ceinture du pantalon vivement enfilée. La taille était moyenne, la poitrine proéminente, les jambes robustes et sèches. Un air de grand oiseau de mer, ce Pierre Guivarc, avec sa petite tête aux cheveux blancs en brosse, hérissés à la manière de plumes. Ses longs bras ballants de chaque côté du corps figuraient assez exactement le maladroit ballottement des ailes du goéland posé en terre, qu'accentuait encore le dandinement marin de sa marche. Rien qu'à le voir, on pensait tout de suite qu'il avait dû venir au monde dans quelque creux de falaise, au milieu de l'embrun des vagues, sous le sauvage baptême de l'écume marine, et que, suivant l'énergique métaphore du pays, il était né avec de l'eau de mer autour du cœur. Durvor Endro et Halon. C'était vrai, car il venait du rat, de cette pointe farouche qui fait face à la fameuse île de Saint, de ce rude morceau de cornouaille, enfoncé comme un coin de fer en plein océan et bravant l'immense lame de l'Atlantique de ses granites déchiquetés, de ces roches sombres où hurlent continuellement les vents du grand large. La plus longue partie de sa vie, comme celle de la plupart de ses compatriotes, s'était passée sur mer, avant qu'il fût venu prendre un repos bien gagné dans ce petit port de Camaret, où il était fixé depuis une dizaine d'années. Mais auparavant, quelle dure existence! Que de luttes, d'aventures! Né en 1827 à Lescoff, à deux pas de la pointe du Raz et de la baie des Trépassés, d'une famille de pêcheurs originaire d'Audierne, il partait comme mousse à 16 ans, restait 22 ans sur mer, faisant les campagnes de Grèce, du Sénégal, de Crimée, de Chine, du Mexique, d'Italie, atteignant le grade de maître et recevant la croix en récompense de ses exploits, services et faits d'armes. Puis prenait sa retraite en 1808, passait comme garde maritime d'Audierne à la Bervrac, avant d'obtenir enfin le poste de maître de port à Camaret vers 1878. Il n'en avait plus bougé. Aussi leste, aussi robuste que s'il ne dépassait pas la soixantaine, il s'habillait rapidement et silencieusement pour ne réveiller personne dans la maison, ayant conservé de ses années de service cette habitude de se lever tôt, mais respectant le sommeil de sa fille Marianic et de sa nièce Yvonne qui couchait dans une pièce voisine. « Oh, diable ! » s'exclama-t-il à mi-voix en entendant la rafale bousculer les volets. « Ce gueux de suroît !» Il prit la bougie, allant et venant par la chambre, mais ses pensées n'ôtaient point à ce qu'il faisait, car il monologuait tout en rôdant de ci de là. Ça ne ventait pas plus dur aux Bermudes quand nous ramenâmes les 2500 hommes embarqués à la Veracruz et que nous avons si bien failli laisser notre peau, la peau et les os. Sa petite tête d'oiseau roulait de droite à gauche sur le cou mince, tandis qu'il continuait à se raconter. Pour un beau transport, pourtant un fameux transport que ce bateau-là. Mais quoi, on ne gouvernait plus. Le bâtiment s'abandonnait, ne pouvant résister à la poussée de la tempête. Et on savait que la terre était par là, pas loin, quelque part qu'on ne voyait pas. Oh, dame, on allait droit dessus à la mort. Bon sang, si une coquine de saute devant n'avait pas repris le navire par derrière, avec la même violence et la même vitesse que celle qu'il avait pris par l'avant, tout y passait, corps et bien. Ça a été terrible, bien sûr. Il écouta un moment. Ça en a été une affaire, hein, quand on marche ainsi au naufrage. Au naufrage. Arrêté devant la cheminée, il contemplait sans la voir une photographie au-dessus de laquelle s'accrochait un rameau de buis desséché. Peu à peu, ses regards se fixèrent sur les traits d'enfant qu'on distinguait encore, bien que le daguerréotype fût terriblement pâli. Une figure ronde, des prunelles bleues qui étaient venues blanches, un grand col rabattu découvrant le cou, la tenue classique du mousse et, sous le verre du cadre, ces mots tracés à la plume, d'une encre jaunie, bu par la pâte du carton. Jean-Marie Hervé Guivarc, né le 5 juin 1854, périt en mer, naufrage de la Proserpine, 1867. Un certain attendrissement amollissait la face parcheminée du maître de port qui soupira. Pauvre petitot, tout de même, ça ferait un homme au jour d'aujourd'hui, et un crâne, il ressemblait tant à mon défunt frère. 19 ans déjà de cela, 19 ans. C'était au moment où lui, Pierre Guivarc, son temps de service terminé, quittait définitivement la mer, passait au retraité. Il se le rappelait très nettement, maintenant que, dans ce gros silence battu par la bourrasque du dehors, ses souvenirs remontaient comme du fond d'un abîme plein de choses terribles, bouleversés soudain par un tourbillon inattendu. Il revoyait la scène, la nouvelle tombant en foudre à Audierne, où il se trouvait pour attendre sa nomination de garde maritime. Dans le pays, de bouche en bouche, la mauvaise chose avait couru, chuchotée d'abord très bas, puis gonflée en tempête qui balait tout sur son passage. La Proserpine, perdue corps et biens, dans le voisinage de l'Australie, là-bas très loin, en des parages que peu, même parmi cette population d'anciens matelots, connaissaient. Perdue corps et biens. Plus rien, pas un homme, pas un tonneau, pas une épave. Vite on s'informait si quelqu'un d'Audierne en était, et devant l'hôtel de Batifoulier, le fameux aubergiste, une voix avait crié. Il y a le neveu à maître Guivard qui est parti mousse. On ne le connaissait pas, ce gamin, car il y avait longtemps que le frère du maître de la marine, un nommé Thomas Guivard, avait quitté Audierne pour aller s'établir à Camaret, où il pêchait la sardine. On savait seulement que c'était le propre neveu du futur garde maritime. Il n'en est pas moins vrai que le petit port fut en émoi. Il y en avait un du pays dans la catastrophe, dans le malheur. D'abord l'ancien marin, avec l'incrédulité de métier que finit par donner l'abus des fausses nouvelles de ce genre, se refusa à admettre ce bruit sinistre. Mais au commissariat, la chose lui fut confirmée. Une dépêche sûre annonçait que la Proserpine avait péri corps et bien dans la dernière tempête qui avait eu lieu en octobre sur les côtes australiennes. Pierre Guivard, profitant d'un bateau qui allait à Brest, avait pu gagner Camaret sans plus tarder. Il avait trouvé son frère et sa belle-sœur plongés dans un désespoir d'autant plus épouvantable que, sur 10 enfants, il ne leur restait maintenant qu'une fille, la petite Yvonne, alors âgée de 6 ans. Après les avoir tant bien que mal consolés, avoir tenté de leur laisser encore quelque espoir, avoir raconté maintes et maintes histoires de bâtiments ainsi crus disparus et reparaissant après de longues et incroyables aventures, il avait été forcé de rejoindre à Audierne sa famille et son poste. Jamais plus on n'entendit parler de la Proserpine. Les mois, les années coulèrent. Les Guivard s'ensevelirent vivants dans leur deuil. On les vit reprendre leurs habitudes, aller, venir, sans grosses marques extérieures de chagrin, dans l'espèce d'insensibilité apparente de ces races rudes, le cœur secrètement troué, les veines taries du meilleur de leur sang, ils s'éteignirent à quelques jours de distance, en 1878, 11 ans après l'événement, l'année même où Pierre Guivard, étant nommé maître de port, venait s'installer près d'eux. Une autre photographie, juste à côté de celle du petit mousse, les montrait tous deux, le mari et la femme, Thomas et Perrine Guivard, lui en costume de second maître, la lèvre et le menton rasés, le collier de barbe épanoui en favori jusque sous le cou, une face de vrai Mathurin, aux épaules de bœuf, à la carrure massive. Elle, jolie sous l'ancienne coiffe, à larges ailes des camarétoises, le grand bonnet qu'on ne porte plus, le châle et le tablier de soie à bavette épinglés sur la poitrine. Pierre soupira, secoué par cette vue, par cette crise d'attendrissement dont il n'avait pas l'habitude, songeant à tous ces morts laissés derrière lui, avec un peu de ce frisson de superstition qui traverse le cerveau des Bretons quand ils évoquent ceux qui ne sont plus. Ce frisson d'où sont sorties toutes les légendes de la terre de Bretagne. Il écoutait le sifflement du vent, y retrouvant des plaintes de défunts, les voix aimées, les intonations connues qui, à présent, revenues ainsi, l'emplissaient d'une sorte de crainte naïve et invincible, lui qui avait vu tant de choses, lui qui n'avait jamais eu peur de rien. Peu à peu, ces 12 et lamentables fantômes s'évanouirent. Ceux qui dormaient sous l'herbe grasse du cimetière à Audierne, à l'Escoff, à la Bervrac, à Camaret, sa mère, sa femme, plusieurs enfants, son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces, aussi bien que ceux qui roulaient éternellement ballottés au fond de la mer, son propre père noyé au ras de sein en voulant sauver un navire en perdition, Jean-Marie Hervé dans l'océan Indien, un fils dans les mers de Chine, d'autres encore, des amis, des camarades, des compagnons de pêche ou de combat, un peu partout, en Islande, dans le Pacifique, la mer Noire, la Méditerranée, dans toutes les mers du globe. Sa pensée se concentra sur les 2 seuls êtres qui le rattachassent à la vie, uniques rejetons de cette race de mâles et de lutteurs de la mer, sa fille Marianique et sa pauvre nièce Yvonne. Malgré lui, il souriait, s'étonnant de ne pouvoir songer à Marianique, une des plus jolies filles de Camaret, avec sa chevelure noire et ses yeux brillants, sans évoquer en même temps la physionomie sympathique du patron du canot de sauvetage, Jean-Vincent Corentin Garec. Il le soupçonnait depuis quelque temps de n'être pas indifférent à sa fille, et, pour lui, il eût volontiers fait son gendre de ce modeste pêcheur. Il marmotta. « On ne sait pas, voilà. » Ce rêve s'effaçant, ce fut l'orpheline qui accapara son souvenir. Une belle fille également, Yvonne Guivarc, aussi blonde que sa cousine Marianic était brune, ouvrant dans une figure d'un ovale étonnamment délicat et affiné, des yeux clairs, d'un bleu transparent de myosotis. De taille mignonne et ronde, elle avait une santé inaltérable, ne redoutant ni le froid, ni le chaud, ni le soleil, ni la pluie. Si ce n'avait été par moments la fixité gênante de ses regards, à l'entendre rire, chanter, même causer sur certains sujets, nul n'aurait pu croire qu'elle était dépourvue de raison. Ce n'était qu'à la mort successive de son père et de sa mère qu'elle était devenue complètement folle, sans espoir de jamais guérir. Mais cela avait commencé plus tôt, alors qu'elle était encore toute petite, lorsque la nouvelle du naufrage de la Proserpine était venue planer sur Camaret comme un oiseau funèbre. Elle adorait ce frère qui ne la quittait jamais, l'emmenant gaminer des journées entières, la protégeant contre les autres enfants, se battant pour elle, la gâtant de mille façons. Aussi, déjà au moment de son départ, bien qu'elle eût à peine 6 ans lorsqu'il s'embarqua pour ce long voyage, dont il ne devait jamais revenir, ce fut un désespoir terrible, plus durable dans sa petite âme tendre que dans celle des autres enfants. Et il fallut des promesses de prompt retour, de beaux cadeaux qu'il rapporterait, pour adoucir un peu ce premier gros chagrin. Elle était assise à table entre ses parents quand la catastrophe fut annoncée par des voisins, avec cette sorte de brutalité naturelle qui existe dans les mœurs de ces gens durs, habitués à recevoir les plus grosses émotions, comme ils supportent les chocs physiques, comme ils entament les luttes féroces avec la mer, et à ne jamais mettre de préparation dans l'annonce d'un malheur. Ce fut une consternation presque silencieuse, un morne écrasement, de la bouche des pauvres affligés, un seul et même cri douloureux. « Mon pauvre petit gars !» L'enfant avait écouté cela avec une sorte de stupeur muette, sans un geste, sans un mot, sans une larme, et on put croire un instant qu'elle n'avait pas compris. Puis, sa pensée avait travaillé toute la nuit, remuant cette douleur dans son petit cerveau malléable, dans son cœur, et elle était sortie de cette mystérieuse lutte intime, entièrement changée, devenue tout à coup sauvage, renfermée, fuyant les autres enfants qu'il abordait avec ces mots innocemment cruels. « C'est-il vrai que ton frère est péri ?» Sa grande distraction fut d'apprendre des chansons, des contes, des légendes, comme si elle eût espéré se créer ainsi une espèce de pays merveilleux qui la rapprocha de celui qui était parti et où elle put s'isoler avec lui. On la voyait constamment comme pendue aux lèvres des mendiants, des pilawers, ces vieux marchands de chiffons qui comptent et composent des chansons. Tous les tampilous, ainsi qu'on les nomme à Camaret, la connaissaient, lui apprenaient leurs histoires. Avec le temps, ses manières bizarres diminuèrent, puis finirent par disparaître complètement à mesure qu'elle grandissait. Seulement, on constata qu'elle avait gardé de son frère un souvenir ineffaçable, soigneusement, pieusement entretenu. Elle avait recueilli dans une boîte tous les objets qui lui avaient appartenu, tous les souvenirs qu'il lui avait autrefois donnés, des bêtises d'enfant, un coquillage curieux, une pierre de forme étrange, des objets trouvés ensemble dans les rochers, dans les grottes, son portrait fait un jour de pardon par un photographe ambulant, un autre fait à Brest avant son embarquement. C'étaient ses reliques. À part certains accès de bizarrerie éclatant çà et là, surtout quand revenait l'anniversaire d'octobre, elle était presque semblable à ses compagnes, et l'on pouvait espérer qu'elle finirait par guérir radicalement. Malheureusement, son deuil la frappa dans l'un de ses moments d'égarement. Et quand, à 15 jours de distance, après avoir enterré d'abord son père, elle revint du cimetière pour la seconde fois, les yeux sans larmes, la lèvre bourdonnante de chansons, il fallut bien reconnaître que la raison l'avait absolument quittée. Il fut d'abord question de l'envoyer dans une maison de santé, mais elle était si douce, si paisible, si peu gênante, que Pierre Guivarc s'y opposa énergiquement, la recueillit et déclara qu'il ne s'en séparerait jamais. Depuis, elle vivait chez lui, allant et venant selon son humeur, à son idée, ayant une liberté d'innocent animal, lâchée à travers les êtres et les choses, sans faire de mal à personne, se plaisant surtout avec les enfants, qui ne la martyrisaient pas, séduits par tout ce qu'elle leur racontait ou leur chantait. Seulement, dans ce calme, dans cette nuit déjà si profonde de ce joli cerveau d'oiselle battu des vents, sensible aux moindres variations atmosphériques, les jours noirs, c'étaient ceux où la mer devenait mauvaise, où soufflait le suroît, où les grosses vagues méchantes déferlaient jusque dans le Corréjou, balayant la jetée, jetant leur écume dans le port, et que, là-bas, au Toulinguet, grondait la mer immense et sans limite, la mer sauvage de l'ouest, l'Atlantique. Guivarc, qui achevait de faire sa barbe en sa méticuleuse propreté d'ancien matelot, resta une seconde, le rasoir levé, le menton barbouillé de mousse savonneuse, en entendant la bourrasque rugir plus dure et traîner sa plainte en miaulement aigre d'oiseau de tempête. « Ça se gâte, ma douée, un temps qui promet !» Vivement il gratta son raboteux épiderme, sabrant les poils blancs hérissés le long de ses mâchoires et, la figure au fond de la cuvette, souffla sous la fraîcheur de l'eau. Puis, tout en s'épongeant à tour de bras, jusqu'à ce que son cuir tanné rougît sous le frottement de la toile et devint brillant comme un pont de navire passé au gré, il examina le baromètre placé entre les deux fenêtres. « Humph ! Il a encore baissé. Avec ça, l'équinoxe, fichu affaire pour ceux qui sont dehors. Heureusement que ça a pris de bonne heure et que personne de Camaret n'a dû se risquer, pas même cet enragé de Corentin. » Il ouvrit la fenêtre et poussa les volets. Mais un tel tourbillon de vent se jeta sur lui qu'il recula, saisi, et que sa bougie s'éteignit. Il revint s'accouder à la barre d'appui. Son œil, habitué à sonder les ténèbres, fouilla à droite, à gauche, aussi loin qu'il put regarder. Entre le phare, qui se dresse à la pointe extrême de la petite jetée en maçonnerie pour indiquer l'entrée du port, et la côte dangereuse à la crête de laquelle serpente le chemin conduisant de Camaret à Kellern, des feux dansaient, indiquant qu'une dizaine de grands bâtiments étaient venus se réfugier là, s'amarrer au corps mort, fuyant la tempête qui menaçait. La marée étant pleine, l'eau battait le quai, grondait en bouillonnant sur le plan incliné des cales, et l'on entendait s'entrechoquer les barques de pêche entassées les unes près des autres, chacune à leur mouillage habituel. Déjà, çà et là, le long du quai, sous les ténèbres finissantes, claquaient les sabots des pêcheurs, causant par groupes en attendant le lever de l'aube, et des bribes de conversation passaient, emportées par la rafale dans ses gémissements. « Diable de suroît ! Hé, Jean-Pierre, t'as-tu rentré les paniers ? Le ciel se dégraisse pas, au contraire. Espère voir un peu que ça se lève. » Des voix se croisant, coupées d'arrêts brusques, des mots qui n'arrivaient pas, des voix rauques à la prononciation précipitée, rocailleuse, voltant à travers ces mille tapages de la nature, comme des voix d'ombre, d'êtres surnaturels, roulées par la rafale en un grondement de cailloux entrechoqués. Insensiblement, les heures passant, une modification s'opérait. Une transparence jaunâtre commença à monter dans le ciel sombre, découpant vaguement une côte très élevée juste en face du bureau du port. Et Guivarc distinguait déjà la presqu'île de Roscanvel, dont les falaises barraient la vue, courant toujours plus haute vers le goulet où se dressait, énorme, la pointe formidable des Capucins. Des objets émergeaient les uns après les autres de la nuit, secouant la cendre épaisse des ténèbres, dessinant des formes connues. La longue jetée naturelle, en terre et en galets abrités par un épais mur bas, fermant complètement le petit port, en le protégeant contre les lames du large. La chapelle de Notre-Dame de Rocamadour, le retranchement gazonné braquant trois canons sur la mer, le fortin rouge construit par Vauban, le phare, Cette sorte de mince et étroite presqu'île s'étendant parallèlement au quai de l'autre côté du port. Déjà, on apercevait mieux la petite flotte des barques, dont les mâts se balançaient, dont les avants s'enchevêtraient sous le clapotis furieux des vagues. À gauche, les toits rouges d'une usine à sardines, du bâtiment enfermant le canot de sauvetage, se montraient vaguement à leur tour, et le rugissement sourd et continu, venant de ce côté, faisait prévoir la fureur grossissante des vagues, battant rageusement les galets de la plage du Corréjou, enfermés dans le demi-cercle immense, étendu entre le phare, la jetée et la côte élevée, se terminant à la pointe du Grand Gouin. Sa vareuse bien boutonnée, Guivarc enfonça sa casquette à encre d'or et descendit sans bruit. Mais en arrivant en bas, il trouva la porte d'entrée simplement fermée au loquet. « Oh, diable ! » fit-il. Il remonta vivement l'escalier, ouvrit doucement la porte de la chambre des jeunes filles, et il lui suffit d'y jeter un coup d'œil. Marianic, derrière ses rideaux, dormait profondément. Le lit d'Yvonne était vide. Il remua mélancoliquement la tête à plusieurs reprises et soupira après avoir refermé la porte. « J'aurais dû m'en douter. Pauvre enfant, avec ce temps-là, elle doit être là-bas, à Penhat, à l'attendre, toujours, toujours. »